Pourquoi faut-il se méfier des démagogues ? Dans son « Histoire des variations des églises protestantes », publié en 1688, Bossuet prit la défense du pauvre Mélenchon, qui était un réformateur protestant, proche compagnon de Luther. Le malheureux Mélenchon se regarde au milieu des luthériens, ses collègues, comme au milieu de ses ennemis. Et Bossuet ajoute « Je voudrais qu'il me fût permis d'employer le terme de démagogue dont il se sert. C'était dans Athènes et dans les États populaires de la Grèce, certains orateurs qui se rendaient tout-puissants sur la populace en la flattant. Les églises luthériennes étaient menées par de semblables discoureurs. » Comme on le voit, au XVIIe siècle déjà, quand on voulait discréditer un concurrent qui parlait au nom du peuple, il fallait le traiter de démagogue. Bossuet rappelait, à juste titre, l'origine grecque d'un terme qui désignait alors celui qui conduit le peuple. Au départ, ce mot n'avait pas la signification négative qui s'est progressivement imposée. Dans l'ancienne Grèce, en effet, les démagogues étaient des citoyens distingués parmi les autres qui exerçaient une influence importante en tant que conseillers du peuple et qui prenaient part aux luttes politiques en tant que chefs de groupe. Si l'on en croit Thucydide, le grand historien athénien, né vers 460 avant Jésus-Christ et mort entre 400 et 395 avant Jésus-Christ, Périclès fut le dernier à incarner ce profil de démagogue, avant tout soucieux de défendre les intérêts de sa communauté. Après la mort de Périclès, le terme prit une signification négative pour désigner l'action exercée par un meneur ambitieux, cherchant à gagner la faveur de l'opinion publique en la flattant par l'art rhétorique, par la manipulation des mythes détournés à son profit et par des fêtes de prestige. Avec Périclès, écrit Thucydide, sous le nom de démocratie, c'était en fait le premier des citoyens qui gouvernait. Au contraire, les hommes qui suivirent, plus égaux entre eux, aspiraient chacun à cette première place. Ils cherchèrent donc le plaisir du peuple dont ils firent dépendre la conduite même des affaires publiques. L'une des conséquences particulièrement négatives de la politique menée par les démagogues de la Grèce antique fut d'entraîner le peuple dans des entreprises imprudentes et dangereuses pour la cité. Ce fut notamment le cas en 415 avant Jésus-Christ, pendant la guerre du Péloponnèse entre Athènes et Sparte. Alcibiade, qui fut l'incarnation du politicien ambitieux, démagogue et dénué de scrupules, engagea alors la cité athénienne dans une expédition en Sicile qui fut un échec cuisant pour les Athéniens. Dans ses écrits sur la politique, Aristote s'appuya sur ses expériences néfastes pour présenter la démagogie comme un régime démocratique ayant sombré dans une tyrannie de la masse populaire. Les démagogues jouant auprès des peuples le même rôle que les courtisans auprès des tyrans. Dans les États démocratiques gouvernés selon la loi, constate Aristote, on ne voit pas apparaître le démagogue. Ce sont les citoyens les meilleurs qui dirigent les affaires. Au contraire, là où le pouvoir suprême n'appartient pas aux lois, apparaissent les démagogues. Car le peuple devient monarque, un monarque composé d'une multitude.